Le libertin de qualité. Livre audio gratuit. Un roman de Honoré Gabriel Rigetti. Conte de Mirabeau, plus communément appelé Mirabeau. Lecture par Amina Grobis pour le compte de audiocité.net. Sous licence creative.common. Dans ce récit, certains mots ont été mis entre parenthèses et remplacés par trois points. Pour la lecture audio, ces mots ont été remplacés par cette sonorité. Au lecteur d'en imaginer le sens.